Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la télésérie culte The Wire. Fuck. Motherfucker. Fuckity fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck me. At the front end, I gotta tell you, I'm a huge fan of The Wire. I think it's one of the greatest, not just television shows, but pieces of art in the last couple of decades. I was a huge fan of it. En 2015, l'ancien président américain Barack Obama, que vous venez d'entendre, déclarait que la télésérie The Wire était non seulement pour lui l'une des meilleures séries des dernières années, mais aussi l'une des meilleures productions artistiques des dernières décennies. Barack Obama a tellement aimé The Wire qu'il a invité son créateur, David Simon, à venir le rencontrer à la Maison-Blanche au printemps 2015. Avec le temps, cette série-là, The Wire, sur écoute en français, est devenue une série culte, et qui dit série culte dit bien sûr scène culte. C'est d'ailleurs un extrait de l'une de ces scènes que vous avez entendues juste avant Barack Obama, cette fameuse scène qui dure plus de 5 minutes et où le seul mot qui sera prononcé sera le fameux mot en F, comme disent nos amis anglophones. En cette période de confinement où la plupart d'entre nous consommons beaucoup, beaucoup plus de téléséries qu'à l'habitude, dans le cadre de notre série d'émissions spéciales également d'Aujourd'hui l'Histoire, où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, on a pensé inviter Hélène Faradji, qui est chroniqueuse et critique de cinéma à notre antenne, à venir nous parler du phénomène The Wire. Hélène Faradji, vous êtes vous-même confinée en télétravail à la maison. On vous rejoint donc par FaceTime. Bonjour Hélène. Bonjour Jacques. Ce qui est particulier avec cette série-là, The Wire, c'est que même si la série a fini par remporter un grand succès et avec le temps a été à peu près unanimement reconnue comme l'une des meilleures séries, sinon la meilleure série de tous les temps, le succès a été très, très lent en fait. Oui, étonnamment, la série a été diffusée entre 2002 et 2008, mais on a reconnu la valeur de cette série-là beaucoup plus tardivement, mais on l'a reconnue de façon assez massive, hein, parce que vous savez, en cinéma, on se questionne beaucoup sur quel est le meilleur film de tous les temps, et la réponse c'est soit Vertigo, soit Citizen Kane. Et bien à la télévision, on se pose un peu la même question, quelle est la meilleure série de tous les temps, et c'est soit Les Sopranos, soit The Wire. Moi, personnellement, je voterai pour The Wire. Je vais, comme Barack Obama, dire que c'est la meilleure série de tous les temps. C'est une série qui a beaucoup, beaucoup séduit. Par exemple, les écrivains Stephen King, Maria Vargas Llosa ont vanté cette série-là. C'est même une série qui est enseignée à Harvard. Et il faut dire que ce mélange qu'arrive à faire The Wire entre l'aspect très documentaire, très réaliste, et le côté intime aussi, réussit à lui donner cette caractéristique de fresque absolument palpitante qui mélange la littérature, la politique, le social, pour créer un univers extrêmement ample et extrêmement profond. Mais encore une fois, avec cette particularité qu'au départ, ça ne fait pas de grosses audiences d'écoute, c'est avec le temps qu'on va découvrir la qualité de cette série-là, en fait. Oui, tout à fait. Au moment de la diffusion sur HBO, donc dès 2002, les audiences sont assez faibles. Et même HBO, d'ailleurs, n'y croit pas, en fait. Il arrive pendant certaines semaines que la chaîne ne diffuse pas l'épisode. On ne sait pas très bien pourquoi, donc ça saute comme ça. Entre la saison 3 et la saison 4, il va y avoir un hiatus de 2 ans. Parce que HBO ne veut pas poursuivre. Et il va falloir que le créateur de la série, David Simon, supplie pour pouvoir continuer la série jusqu'à la saison 5. Les audiences comme ça donc, ne fonctionnent pas, mais lorsque la série va sortir en DVD, va être disponible en coffret, à ce moment-là, le succès va arriver. Baltimore, c'est gang, c'est flic, c'est docker, bienvenue dans The Wire. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, wanna stay the Quand la série débute en 2002, on croit d'abord avoir affaire à une assez classique enquête policière pour démanteler un gang de trafiquants de drogue. Les téléspectateurs vont vite se rendre compte que The Wire est bien plus que ça. Bien sûr, on s'intéresse ici aux gangsters des quartiers noirs de Baltimore. On découvre aussi le quotidien des policiers. Certains sont racistes et volontiers bagarreurs. D'autres sont démotivés ou corrompus. D'autres, enfin, tentent de faire bouger les choses et, malgré les faibles salaires, travaillent jour et nuit sur leurs enquêtes. Mais très vite, le panorama s'agrandit et on plonge aussi dans l'univers des juges, des dockers du port de Baltimore, des politiciens, des enfants, des professeurs, des journalistes, des toxicomanes. Le tout avec un impressionnant souci du détail. Le réalisme de The Wire transparaît notamment dans les dialogues qui font la part belle à l'argot du Maryland. You keep it humming, though, right, cuz? Yeah, you know. Oh, you got your hands up? You got your hands up? Cuz you keep on doing like how you doing, we'll be talking about points on the package. All right? Extrait du balado de France Inter, fin de série, qui a été mise en ligne en juin 2019. Comment, Hélène Faradji, on en a une petite idée dans ce qu'on vient d'entendre, mais comment décrire cet objet télévisuel non identifié qu'est The Wire? Qu'est-ce que ça raconte, cette série-là? Alors, effectivement, c'est assez difficile à résumer parce qu'on n'est pas dans une série traditionnelle où on suit un héros ou sur plusieurs saisons, on va décliner les aventures de tel ou tel personnage. Là, il y a à peu près 200 personnages dans The Wire. Les intrigues sont très denses. On parle de 60 heures de télévision en tout. Et c'est 5 saisons qui ont été conçues pour véritablement chroniquer l'état des États-Unis à travers ce qui se passe dans la ville de Baltimore. Et là où ça devient très, très intéressant, c'est que chaque saison examine en fait un système. Comment fonctionne tel ou tel système? Donc, la première saison, elle est basée sur une enquête sur le trafic de drogue dans West Baltimore, enquête qui va se passer par écoute téléphonique. La deuxième saison, elle, se transporte sur les quais de Baltimore, où on va voir comment la drogue finalement entre dans la ville et comment ces quais sont tenus par la communauté grecque. La troisième saison, elle, va nous transporter dans le monde de la politique municipale et comment le candidat à la mairie va essayer de tourner les chiffres statistiques à son avantage, donc de les maquiller un petit peu. Quatrième saison, elle, que beaucoup considèrent comme le vrai joyau de The Wire, c'est le système scolaire où on voit des jeunes qui, dans le fond, sont déjà prisonniers du trafic de drogue, même si ça ne fait pas partie encore de leur quotidien. Et puis, la dernière saison, elle, va s'intéresser aux médias locaux, aux journaux locaux. Donc, comment est-ce qu'on couvre à la fois la criminalité, mais aussi tout ce qui se passe dans la ville de Baltimore? David Simon prévoyait une sixième saison qui aurait parlé de l'immigration, mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu. Donc, beaucoup plus qu'une simple intrigue policière. Le point de départ, c'est la place qu'occupe la drogue et cette économie, ce trafic de la drogue, mais c'est même une économie, l'économie de la drogue à Baltimore. Mais c'est plus qu'une simple intrigue policière, c'est un portrait de société, c'est un portrait du système américain et c'est un portrait très critique, Hélène Faradji. Absolument, il s'agit d'exposer à la fois les inégalités qui existent dans la ville de Baltimore, mais aussi les dysfonctionnements des différents systèmes, donc politiques, scolaires, médiatiques. L'idée, c'est vraiment de montrer comment des gens vont devoir se débrouiller quand ils sont soumis à cette pression du système qui a tendance à les écraser et à les maintenir dans un espèce de statu quo extrêmement misérable. Et je lisais en préparant l'émission, on a même parlé, ce portrait est tellement critique que certains ont dit que The Wire, en fait, c'était le portrait de la faillite du rêve américain. Rien de moins. Absolument. The Wire, pourquoi le titre? Vous l'avez un peu évoqué dans la première série. Il y a l'écoute électronique. Voilà. Bien sûr, qui est faite. Ça, c'est le point de départ. C'est pour ça que ça s'appelle The Wire? C'est pour ça que ça s'appelle The Wire, mais on peut facilement extrapoler parce que ce que ça nous montre, en fait, c'est comment, si on le traduit en français, sur écoute, comment on écoute les différentes populations qui peuplent la ville de Baltimore et aussi comment tous ces gens sont reliés les uns entre les autres. Parce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de héros dans The Wire, mais les personnages apparaissent et disparaissent au gré des saisons, selon le point de vue qu'on adopte. Donc, par exemple, l'équipe de policiers qui est là dans la première saison, elle va être là dans les 5 saisons, mais plus ou moins au premier plan. Donc, en fait, ça nous montre comment cette fameuse économie de la drogue, mais aussi ces différents systèmes, influent sur la vie de tout un chacun dans une ville. Ouais. Et puis, cette ville, évidemment, on y revient, c'est Baltimore. C'est vraiment le point de départ de toute l'aventure de la série The Wire sur écoute en français. Et de fait, Baltimore, vous le disiez, mais c'est le grand personnage de la série. On écoute à ce propos le créateur de la série, David Simon, justement lors de son passage à la Maison-Blanche en mars 2015. Dans cet extrait, il répond au président Obama qui lui demande tout bonnement comment il en est venu, pourquoi il a eu envie d'écrire cette série, The Wire. I was in Baltimore, and it's a very Je vivais à Baltimore. C'est une ville où il y a vraiment beaucoup de drogue, ou à tout le moins, c'était le cas lorsque je suis arrivé au début des années 80. C'était une époque où les gens pensaient pouvoir se sortir par eux-mêmes de leur dépendance aux drogues, et ils essayaient de le faire. Et ce qui est devenu de plus en plus évident pour moi au fil de mes années de couverture journalistique, c'est que lorsque vous luttez contre la drogue, mais que vous vivez au niveau de la rue, vous n'avez accès qu'à une quantité très limitée de ressources. You only have a limited number of resources, limited amount of resources. And I watched the police department in Baltimore. J'ai d'abord observé le service de police de Baltimore, puis j'ai constaté la même chose dans d'autres villes aux prises avec le même genre de problèmes liés à la drogue. Les policiers avaient arrêté de faire leur travail. Ils arrêtaient des gens à cause de la drogue, ce qui aurait dû régler une partie du problème, mais ce n'était pas le cas. Le nombre d'arrestations et d'incarcérations liées à la drogue était en hausse, mais c'était toujours des petites sentences de 2 ou 3 mois, parce qu'il n'y avait pas assez de prisons pour enfermer tous ces gens. Et pendant ce temps, le nombre d'arrestations pour viol, vol qualifié ou meurtre diminuait. La seule chose qui rend les villes plus sécuritaires, ce sont des enquêtes rétroactives et compétentes sur les crimes qui ont été commis. Mais pour ce faire, vous devez utiliser et non abuser des informateurs. Vous devez savoir comment témoigner en cour et vous devez rédiger un mandat de perquisition pour que tout ça tienne le coup. But to do that, you have to use and not be used by informants. You have to know how to testify in court. You have to write a search warrant that is that's going to hold up. La réalité, on l'entend bien, la réalité que décrit David Salmon dans cet extrait, c'est une réalité qu'il connaît bien. Il faut dire, Hélène Faradji, qu'avant d'écrire pour la télévision, David Salmon a été journaliste, journaliste aux faits divers au Baltimore Sun, et le co-concepteur de la série, Ed Burns, est un ancien enquêteur criminel de la police de Baltimore. Revenons sur ce contexte-là, c'est fascinant, cette histoire-là. Dans quel contexte naît la série The Wire? Eh bien, en fait, Ed Burns et David Simon se rencontrent au milieu des années 80 alors qu'il y a une enquête sur l'arrestation d'un caïd à Baltimore via une écoute téléphonique. Donc, au moment même de leur rencontre, déjà l'idée de The Wire probablement était en germe. Et ils se rendent compte assez rapidement, donc le policier et le journaliste, qu'ils partagent le même désir de voir la corruption dans leur ville cesser, de voir la lutte contre les injustices s'accentuer. Mais chacun va continuer un petit peu de son bord. Alors, David Simon, en écrivant des livres journalistiques. Il va écrire, par exemple, Homicide, A Year on the Killing Street, qui va devenir déjà une série pour NBC. Mais NBC va trouver le ton trop pessimiste et trop sombre. Ensuite, il va rejoindre Ed Burns, qui, lui, entre-temps, est devenu professeur au primaire. Et ensemble, ils vont écrire The Corner, A Year in the Life of an Inner City Neighborhood. Et là, c'est HBO qui va décider d'en faire une mini-série. Donc, tout est en place pour qu'ils puissent présenter à HBO leur prochaine idée, c'est-à-dire The Wire, qu'ils vont vendre comme une anti-série policière. Donc, ils refusent l'idée, par exemple, d'une série qui soit où on suit une procédure policière ou, par exemple, les fameuses séries tournées en studio dont on avait l'habitude. Là, l'idée, c'est de vendre non seulement un anti-cop show, comme ils disent, mais surtout de vendre l'idée de Baltimore. La série va être tournée sur place. Les acteurs eux-mêmes vont vivre à Baltimore pendant le tournage. Et plusieurs des personnages vont être en fait inspirés par des figures locales, que ce soit le maire ou Bubbles, qui est peut-être un des personnages les plus attachants de la série, qui est un toxicomane qui sert d'informateur aux policiers. Eh bien, il est basé sur un véritable toxicomane qui a servi d'informateur à la police de Baltimore. Et Burns et Simon sont vraiment préoccupés tous les deux par l'idée de ne pas trahir la vérité, l'authenticité de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la ville de Baltimore. Ce qui fait qu'il y a un côté, certains diraient très réaliste, certainement, certains diraient même documentaire, mais ce souci-là, il est omniprésent dans la série. Et plus métaphoriquement, on y revient, mais Baltimore comme miroir de l'Amérique et des travers de l'Amérique. Et tout ça, ça tient beaucoup à l'écriture, en fait, la façon dont cette série est écrite. Vous l'avez un peu mentionné au début de l'émission, on a souvent parlé de Wire. Wire en comparant cette œuvre télévisuelle à des grands classiques littéraires. On a cité, en parlant de Wire, on a comparé cette télésérie à l'œuvre de Dickens, Dostoïevski, Balzac, à certains tragédiens grecs aussi. Justement, sur le style d'écriture très, très particulier de la série, on écoute un extrait de Behind the Curtain, qui est une capsule diffusée sur YouTube, dans lequel extrait est justement décrit le processus d'écriture de cette série de Wire sur écoute en français. If there's anything that distinguishes The Wire from a lot of the serialized drama you see, it was that the writers were not from television. Ce qui distingue The Wire des autres séries télé, c'est que ses auteurs ne viennent pas du monde de la télé et n'avaient aucune ambition hollywoodienne. Ed Burns est un policier devenu enseignant. Et il y avait des journalistes, des romanciers et des dramaturges qui faisaient partie de l'équipe des auteurs. There were novelists. There were playwrights too. Everyone began somewhere else. In the beginning, there is the story. What story are you trying to tell? Et dès le départ, tout a très vite tourné autour de l'histoire de la série. Quelle histoire veut-on raconter? Quels sont les personnages avec lesquels on veut raconter cette histoire? Ensuite, l'écriture suit son cours. Et quand il y a quelque chose qui cloche, on se demande comment faire pour corriger la situation. La dynamique dans l'équipe des auteurs de la série était un peu la même que celle que l'on retrouve dans l'équipe éditoriale d'un bon journal. On construit ensemble une maison, auteurs, acteurs, techniciens, réalisateurs. Nous arrivons tous avec nos outils respectifs. Et au final, l'objectif n'est pas de savoir quel outil a été le plus utile, mais bien de construire une maison tous ensemble. It's not about how often the hammer comes out. It's about the house we're building. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Et le fait, Hélène Faradji, que l'équipe d'auteurs de la série The Wire ne vient pas justement du monde de la télé, ça va avoir un très gros impact sur la télésérie, sur l'ADN de cette télésérie. Oh, assurément, parce que Burns et Simons, ils ont une excellente idée, c'est-à-dire celle de faire appel à une équipe d'auteurs qui sont complètement novateurs dans l'univers de la télé. D'abord, ils vont demander à certains journalistes du Baltimore Sun de rejoindre cette équipe d'auteurs, donc pour ce côté documentaire, réaliste, véridique, authentique. Mais surtout, ils vont demander à trois auteurs de romans policiers de rejoindre les rangs de l'équipe, et c'est George Pelecanos, Dennis Lehane et Richard Price, d'excellents auteurs de romans policiers, et ils vont tous ensemble réussir à construire une fresque d'une ampleur narrative très rare. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pourtant c'est inédit dans le monde de la télé. Il n'y aura pas de flashback, pas de flash-forward, très peu de musique ajoutée, et des épisodes d'une heure complète, donc vraiment de 60 minutes, et il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'espoir non plus. On ne suit pas nécessairement une intrigue narrative extrêmement simplifiée, mais au contraire, on assiste à un récit qui va vraiment, comme dans un roman, se déployer sur plusieurs saisons, comme des chapitres, en prenant son temps, en explorant différents aspects des systèmes qui sont mis de l'avant et en privilégiant toujours la densité au système. Ouais. Donc, un rythme complètement différent, inhabituel complètement, de ce que nous offre la télé habituellement. On pourrait dire que c'est presque de l'anti-TV, Hélène Faradji, quand on compare à ce qu'on nous sert habituellement. Là. Absolument, et c'est amusant parce que HBO, qui est la chaîne câblée sur laquelle The Wire est apparu, ben leur slogan depuis le début, c'est « It's not TV », ce n'est pas la télé, c'est HBO. Et The Wire est peut-être la série qui incarne le mieux ce slogan-là, parce qu'effectivement, on va contre toutes les règles traditionnelles de la télévision. Une autre de ces règles, par exemple, c'est que The Wire n'a aucune star. On n'a aucune vedette dans la distribution. Et au contraire, on a fait le choix d'aller chercher des acteurs, par exemple, qui viennent du théâtre, des acteurs britanniques comme Idris Elba, qui va vraiment être révélé par cette série-là, des acteurs locaux. Et plus que des acteurs locaux, on est allé demander à certains anciens criminels de Baltimore de jouer soit leur propre rôle, soit des rôles inspirés par ce qu'ils ont été dans la série. Et le cas le plus flagrant, c'est celui de Snoop, qui est peut-être le personnage le plus terrifiant de l'histoire de la télévision. C'est une jeune fille de 16-17 ans qui fait partie d'un des gangs cruels de Baltimore. Et bien, cette jeune fille, lorsqu'elle a été approchée pour jouer ce rôle, elle sortait elle-même de prison. Elle y était entrée alors qu'elle avait 14 ans. Et elle y est retournée, malheureusement, après le tournage, parce qu'elle a recommencé à commettre des crimes. Ouais. Revenons à cette énigme, au fond, dont on parlait au tout début de l'émission. Considérant le fait que la télésérie, quand elle est diffusée pour la première fois, n'a pas de très gros succès d'audience, ça aurait pu, au fond, tombé dans l'oubli complet de Wire. Et c'est quelques années plus tard qu'on se dit c'est une des meilleures séries de tous les temps. Expliquez-moi encore une fois cette énigme-là. Est-ce que c'est une affaire que de, entre guillemets, de critique, de cinéma, de commentateur, ou si vraiment cette série, avec le temps, on a généralement, et le public a reconnu les qualités de la série? Mais je pense que c'est un petit peu des deux. Alors effectivement, au moment de la diffusion, ça a une audience très confidentielle, mais audience qui est tout de même extrêmement vocale et qui défend cette série-là de façon assez marquée pour attirer l'attention, par exemple, des critiques, par exemple, des autres spectateurs. Et ça va acquérir cette aura de trésor caché, de petites pépites qu'il faut absolument découvrir. Donc déjà, ça lui donne une aura assez sympathique. Mais surtout, à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'on est au début des années 2000 et on n'a pas encore ce phénomène du binge-watching, donc de regarder en rafale des séries qui sont disponibles sur les différentes plateformes. À l'époque, ça passe une fois un épisode par semaine, comme le modèle plus traditionnel de la télévision. Et c'est un modèle qui ne convient pas à The Wire, parce que c'est une série qui devient beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus captivante, quand c'est possible de la regarder en rafale. Et donc, lorsque les DVD, les saisons apparaissent en coffret DVD, c'est à ce moment-là que la série peut véritablement prendre son ampleur et être appréciée à sa juste valeur. Donc, plutôt que de voir un épisode toutes les semaines, on peut la voir en entier et on comprend à ce moment-là à quel point c'est une série brillante, une fresque absolument palpitante et une œuvre d'une qualité littéraire et sociopolitique absolument majeur. Et là encore, le parallèle, je vous écoute, mais le parallèle avec la littérature, il est flagrant. Rien de pire que de lire un roman trois pages à la fois. On perd le souffle complètement. C'est la même chose pour The Wire. Voilà. Ouais. Exactement. Un mot en terminant, je suis très curieux, parce qu'on l'a dit, cette série-là, c'est un portrait de Baltimore, mais c'est pas un portrait très flatteur, on va dire ça comme ça, très réaliste, mais pas flatteur. Les politiciens sont éclaboussés. Comment s'est reçue cette série de Wire à Baltimore? C'est pas très, très bien reçu, en tout cas par les autorités municipales. En 2011, par exemple, le maire de Baltimore a déclaré que cette série-là, c'était une tâche qu'il faudrait des années pour pouvoir oublier. Mais parallèlement à ça, on a aussi pu voir dans la ville de Baltimore des visites touristiques organisées, par exemple des balades dans les lieux de tournage de The Wire. Donc ça a eu un impact économique tout de même. Comme je le disais, c'est assez rare que les séries soient tournées ailleurs qu'en studio. Là, toute la série a été tournée à Baltimore, donc il y a eu un investissement économique qui a aussi rejailli sur la ville. Donc on est mitigé à Baltimore. On comprend que c'est une série majeure, on comprend qu'il y a eu des retombées économiques, mais c'est vrai qu'au niveau l'image que ça projette de la ville, ça n'a pas tout à fait été aussi glorieux que ce qu'on pouvait espérer. Hélène Faradji, chroniqueuse et critique de cinéma sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.